Il s'est lancé dans un pari risqué, celle de créer son jeu de société. Pour accomplir cette difficile mission, il a créé une émission, c'est Ludovision. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ludovision, troisième et dernier consacré aux règles du jeu. Nous avons vu beaucoup de choses déjà la dernière fois, donc on va vite continuer. Pendant que vous avez un peu de cerveau, on va pas trop en reparler. Donc on a vu la dernière fois comment recruter des personnages, qui était une grosse partie quand même du jeu. Et bah après avoir recruté son personnage, il va falloir composer son équipe. C'est un moment très important, parce que bah, les gars de chasse, ça se base très souvent, en tout cas pour les combats et tout, à 80% sur la composition d'équipe. Derrière, ça reste du gameplay assez simple, mais il faut mettre la bonne équipe pour gagner. Il faut donc bien y réfléchir. Mais voilà, là c'était rien de bien compliqué finalement, parce que le gros était déjà expliqué plus tôt. Notamment que ce sera vraiment les effets de cartes qui viendront beaucoup jouer à comment on compose quelque chose. Et je voulais pas qu'en plus dans la composition soit compliqué. Pendant un moment, j'avais réfléchi à mettre une position, genre si vous mettez votre personnage sur la première rangée, ça fait tel effet, machin et tout. Mais ça demande déjà à mettre les personnages dans un tel ordre. Et ça rajoute une complexité supplémentaire que je ne voulais pas forcément. Donc voilà ce que ça dit pour la composition de l'équipe. Composez votre équipe en échangeant les cartes de votre équipe et celle de votre réserve, comme bon vous semble. Et enfin, désignez votre leader en lui donnant le jeton leader. Petit point de lexique, bah, l'équipe, c'est quoi une équipe ? Une équipe est composée de maximum 6 personnages, dont un leader. Le leader est indiqué par le jeton leader. Elle est placée face visible et est consultable par tous les joueurs. Voilà. Tout simplement, et voilà, en tournant, je vois que dans cet épisode, bah, en fait, j'ai pas posé de questions aux gens qui ont lu dans mon questionnaire. Bah, bravo, bravo Arthur. Ça t'apprendra à faire le truc un peu trop vite, hein, évidemment. Mais bon, je pense que ça devrait aller. C'est simple. Une équipe, c'est 6 personnages, un leader. Voilà, fin du rêve. Et on viendra toujours, en gros, additionner les points d'attaque de l'équipe, les points de vie de l'équipe et la vitesse de l'équipe pour donner après les stats générales. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui sera assez simple, j'espère. Et on va enfin arriver à la partie qui m'a pris la tête, où vraiment là je me suis dit, je vais jamais y arriver, mon idée elle est nulle. C'est les affrontements. Parce que j'avais envie de plein de choses. Voilà, j'ai vraiment retourné dans tous les sens. Parce que bah, moi je suis un gros joueur de TCG. TCG c'est quoi ? C'est les jeux de cartes à jouer, c'est Magic, c'est Yu-Gi-Oh, c'est Pokémon, etc., etc. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et du coup, bah, je suis très très influencé par le gameplay du genre. Voilà, moi c'est quelque chose que je veux. Si c'était pas si difficile, je pense que je créerais vraiment un jeu de cartes. Sauf que ça demande beaucoup de temps, d'argent et de talent, malgré tout. Et c'est impossible à faire seul. Dans les gachas, il y a un système de combat au tour par tour. Comme dans les jeux vidéo Pokémon. En gros, un personnage attaque, un suivant attaque, etc. etc. Et moi, c'est ça que je voulais faire en fait. Moi, je voulais faire un combat tour par tour parce que dans quasiment tous les gachas, c'est le cas. Et donc, je voulais que le personnage le plus rapide d'un joueur commence. Puis après, c'était l'autre personnage le plus rapide, que ce soit du joueur en cours ou de l'autre. Et en gros, ça veut dire que donc chaque équipe fait 6 personnages. Donc en gros, il y avait 12 personnages. Donc en gros, on faisait genre personnage 1, personnage 2, personnage 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc déjà, on faisait déjà 12 actions les unes après les autres. Mais en plus, je voulais que pour gagner, il n'y ait plus que un qui n'est qui est, enfin, je voulais que pour qu'un joueur gagne, que son adversaire n'ait plus aucun personnage en vie. Donc, on faisait déjà 12 actions. Potentiellement, ça se répétait 2, 3, 4 fois jusqu'à ce qu'il y ait plus de personnages. Donc, c'était beaucoup. C'est une bonne idée. Hein. En vrai, c'est une bonne idée. Je pense que sur un jeu qui ne fait pas 10 tours, potentiellement, c'est une bonne idée. Mais pourquoi je ne l'ai pas gardé ? Parce que, voilà. Imaginons qu'on joue à 6 joueurs. C'est un jeu que j'aimerais qu'il fasse 6 joueurs max. Et je pense que ça joue comme ça. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait l'idée de nombre de factions joueurs plus 1. C'est comme ça, c'est facile à doser les cartes et le jeu. Bah, chaque joueur fait un affrontement par tour. C'est quelque chose d'obligatoire. Et ce, pendant 10 tours. Donc, on a déjà 6 joueurs. Donc, à un tour, on fait 6 affrontements. Ça, sur 10 tours, ça fait 60 affrontements par partie. On va dire que, du coup, je pense qu'un affrontement, ça durerait bien 5 minutes. On obtient donc une partie de 5 heures juste pour les combats. Un poil long, non ? Enfin, je sais pas pour vous, hein, si je veux jouer un jeu de 5 heures, je pense pas que je joue un deck building, ou pas celui-là. Déjà, je jouais un jeu de 5 heures, je pense que j'en joue pas beaucoup. Donc bon, il fallait vraiment que j'accélère les combats. Vraiment, il fallait que les combats aillent beaucoup plus vite. Parce que sinon, C'était impossible. Le jeu était nul, c'était sûr. On s'ennuyait. Ça aurait pu marcher pour un jeu avec beaucoup moins de tours, mais du coup, je cassais le côté recrutement et composition d'équipe. Donc, en fait, c'est ce qu'on disait pour les idées. Cette idée allait à l'encontre des autres idées que j'avais à peu près verrouillées déjà. Donc, j'ai trouvé une autre solution. Déjà, j'ai tout retourné. J'ai étudié beaucoup de deck building et de TCG malgré tout, pour voir qu'est-ce qui est cool, qu'est-ce qui me plaisait, et quand c'est court, qu'est-ce qui est bien en fait. Donc déjà, j'ai commencé par changer la condition de victoire. Parce que déjà, arrêter plus tôt, ça fait vraiment changer drastiquement. Maintenant, c'est ce que je vous disais pour les équipes, on compare les PV totaux de chaque équipe avec l'attaque totale de chaque équipe, et celui qui a le plus de PV à la fin d'un affrontement gagne. Donc, en gros, on l'explique dans les règles, mais en gros, on fait attaque de l'équipe de joueur 1, PV de l'équipe de joueur 1 moins attaque de l'équipe de joueur 2, et inversement, et celui à la fin qui a le total le plus haut gagne. Voilà, simple, efficace, on n'en parle plus. Comme ça, au moins, si on fait un tour de jeu, c'est hyper run and gun, et dans un jeu de société, je pense que c'est ce qu'il faut. Ensuite, on ne fait pas de ping-pong entre chaque personnage. C'est vraiment l'équipe qui a le total de vitesse le plus élevé qui commence. Donc on ne change pas tout le temps entre chaque joueur, on vérifie, etc. etc. Comme ça, on est sûr, il n'y a pas de souci. Mais en fait, je voulais quand même que les personnages plus lents, en tout cas les joueurs plus lents, aient une chance. Parce que s'ils se font décimer l'équipe sans pouvoir rien faire, la vitesse est trop forte. J'ai donc divisé les timings des faits en 3. Quand on parle de timing des faits, c'est quand est-ce qu'ils se déclenchent. Donc j'ai divisé en 3 timings, avant le combat, pendant le combat et après le combat. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que avant qu'on fasse vraiment le calcul de la puissance de l'équipe, on va avoir des effets. Notamment, ça va être en gros tuer le personnage adverse. Quand je dis tuer, ce ne sera pas le bon wording, mais en gros, c'est-à-dire qu'elle sera désactivée complètement. Ses points ne coûteront pas dans l'équipe, ses effets ne pourront pas être activés. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir un peu focus quand même des personnages en face qui nous font peur. Ça peut vouloir dire relever une carte, redresser une carte, enfin voilà, ça va être des choses qui vont venir plutôt activer, désactiver des choses. Ensuite, les effets pendant le combat qui se font au moment du calcul du coup du total de points de vie, de points d'attaque, qui vont venir plutôt monter ces stats là en gros. Ça va plutôt dire gagner plus 2 d'attaque, diminuer les points d'attaque de l'adversaire de 2, voilà, plutôt quelque chose qui va se jouer sur les points, les PV, etc., etc., enfin sur les caractéristiques pures des personnages, pour avoir d'autres choses évidemment. Et enfin, les effets après le combat qui vont plutôt de dire après le combat, redresser une carte aussi. Ça peut être après le combat, si vous avez gagné, gagnez telle chose. Après le combat, si votre adversaire a gagné, infligez-lui ça. Après le combat, si votre total de PV est de autant, faites ça. Voilà, ça va être plutôt des conséquences au combat qui vient de se passer. Et comme ça, ça permet quand même d'avoir 3 timings et quand même de pouvoir répondre à l'adversaire et de ne pas être vraiment juste en train de subir à chaque fois, etc. etc. D'ailleurs, je n'en parle pas non plus dans les règles, mais ceci à ce moment-là où il y aura beaucoup d'effets qui vont engager les cartes. Quand je dis engager, c'est en fait, les cartes sont verticales, on les passe à l'horizontale. C'est pour dire qu'ils ont utilisé leurs effets. Il y aura beaucoup d'effets qui seront comme ça, où il faudra engager les cartes pour pouvoir les utiliser. Ça veut dire que c'est souvent le joueur le plus rapide qui commence, etc., etc. Donc on a peur de ça. Sauf que, imaginons, le tour commence par le joueur le plus rapide. On fait le tour de table. Mais en fait, lui, il sera plus sensible potentiellement aux attaques d'autres joueurs. Parce que vu que ses cartes seront déjà engagées du premier combat, et du coup, il ne pourra plus utiliser ses effets. Et donc il sera à la merci d'autres joueurs. Donc voilà, je pense qu'il y a ça aussi, il y a doser que j'aime bien. Où on peut scaler un peu par le nivellement comme ça, quoi. Mais bon, ça c'est quelque chose de complexe. On verra si ça sera mieux dans les règles, etc., etc. Et en jouant surtout. Du coup, avec tout ça, je pense qu'on réduit bien les choses. C'est cool. Et ça permet vraiment de donner une chance à tout le monde et dans des combats quand même dynamiques. Ça, c'était très important pour moi. Ensuite, je voulais aussi rendre les boss évolutifs et qui proposent de la prise de risque. Et c'est pour ça que j'ai mis un système de niveau de difficulté sur les cartes boss. Facile, normal, difficile, peut-être extrême sur certains, pourquoi pas, afin de pouvoir commencer doucement et ne pas être bloqué. C'est-à-dire que sur les cartes boss, en gros, cartes boss sera des combats. Dessus, il y aura un boss qui aura des caractéristiques comme des personnages, des effets comme des personnages, etc., etc. Donc, il va jouer comme un autre joueur, grosso modo. Mais, par exemple, si on joue en facile, il y aura de base, je sais pas, 8 d'attaque, 8 de défense, je sais pas quoi. Enfin, pas, il n'y a pas de défense, 8 d'attaque, 8 de PV, 8 de vitesse, je sais pas. En difficile, ça va être plus 2 à une caractéristique. Enfin, en normal, plus 2 à une caractéristique. En difficile, plus 4 ou 5. Des effets potentiellement en plus. Sauf qu'on vous gagnerait plus de récompenses. Et les récompenses, très souvent, c'est des tickets de recrutement et des points de victoire. On le verra dans les règles. Et donc, on peut se dire, ok, là, je me sens de le taper en normal. Je suis un peu faible, mais sur un coup de chance, ça peut passer. Et on y va. Et ça, j'aime bien le côté, ok, prise de risque, mais on est gagnant. Donc voilà, je pense que ça permet, et surtout, ça permet dès le début, quand même, d'avoir tous les monstres, d'éviter de refaire un tri de monstres, parce qu'il y a déjà le tri de cartes événements, ça faisait beaucoup, je trouvais. Donc voilà, je pense que c'est pas mal. Espérons que ce soit pas mal. Donc voilà, du coup, à quoi ressemblent à peu près les règles d'affrontement. Durant votre tour, vous aurez le choix entre deux affrontements. Affronter un boss ou affronter un joueur. Vous ne pourrez effectuer que l'un d'entre eux à chaque tour. Étape A. Affronter un boss. Choisissez la difficulté du boss. Affrontez le boss en suivant le déroulement d'un combat. En cas de victoire, gagnez les récompenses indiquées sur la carte. B. Affronter un joueur. Choisissez un joueur à affronter. Affrontez le joueur en suivant le déroulement d'un combat. Le gagnant gagne 4 points de victoire et un ticket de recrutement premium. Le perdant gagne 1 point de victoire. Petite précision là-dessus, parce que c'est vrai que j'en parle pas avant. Pourquoi je fais gagner des points de victoire au perdant? Ça peut sembler bizarre. C'est pour éviter de focus autant la même personne, en fait. C'est, en fait, vu que je veux que chacun puisse jouer de la façon dont il veut, donc plutôt taper les boss, plutôt taper les gens, plutôt, on le verra en condition de victoire, juste récolter des personnages. Je voulais pas que ceux qui jouent juste pour collectionner des personnages se fassent tout le temps tabasser en PVP, que ce soit vraiment trop simple, en fait. Parce que sinon, c'est simple, on les focus et c'est pas drôle. Le fait de leur faire gagner des points de victoire, ça force les gens, et les joueurs surtout, à un peu taper tout le monde. Voilà, je pense que c'est fair dans l'idée. Et je pense que c'est une bonne idée. Ça se trouve. Ouais, moi je dis ça, hein, on en reparlera quand j'aurai testé le jeu, que j'aurai tout remis à plat et qu'en fait tout sera nul. Hein. Mais voilà, actuellement, je pense que c'est une bonne idée. J'espère que c'est une bonne idée. Donc le déroulement d'un combat. Parce qu'on fait que dire ça, mais le déroulement d'un combat, c'est quoi? Le joueur ou boss avec le plus grand total de vitesse d'équipe commence. Le joueur ou boss qui commence peut utiliser ses effets avant le combat. L'adversaire peut utiliser ses effets avant le combat. Le joueur ou boss qui commence peut utiliser ses effets pendant le combat. L'adversaire peut utiliser ses effets pendant le combat. Les deux adversaires additionnent les points d'attaque de leur personnage. Les deux adversaires additionnent les points de vie de leur personnage. Chaque joueur soustrait la puissance d'attaque de son adversaire à son montant de points de vie. Le résultat peut être négatif. Le joueur avec le plus de points de vie restant est vainqueur. En cas d'égalité, le joueur qui a déclaré le combat l'emporte. Voilà, quand même pour c'est quand même mieux, je trouve ça plus fair. T'as déclaré le combat, t'as gagné, bon, c'est t'as égalité, bon, quand même, voilà, c'est pas mal. Quand même. Et du coup, les retours sur cette partie. Avez-vous compris la section affrontement et combat? Neutre 20%, oui 20%, parfaitement 60%. Est-ce que cette section vous semble compliquée? Pas du tout, 40%, non 20%, neutre 20%, oui 20%. Avez-vous envie de faire des affrontements contre les boss? Non à 20%, neutre 20%, oui à 40%, parfaitement à 20%. Avez-vous envie de faire des affrontements contre les joueurs? Oui à 60%, parfaitement à 40%. Et quelques commentaires. C'est très clair, c'est génial de pouvoir affronter soit un boss soit un adversaire. Certaines choses semblent compliquées, mais je pense qu'en réalité ça ne l'est pas. Je pense que ça serait plus clair avec le jeu entre les mains, et à défaut en ajoutant encore des petits dessins, avec des exemples de cartes, d'effets, de situations, notamment pour le déroulé du combat. Difficile de se prononcer sur l'intérêt des boss sans avoir une idée des récompenses. Un ticket premium me semble bon en récompense de victoire, un point de victoire pour le perdant semble faire aussi. Le combat entre joueurs a l'air très simpliste, à voir avec les effets de cartes et pendant le combat. Plutôt positif dans l'ensemble, du coup. Voilà, c'est cool. C'était pas sûr au début, j'avais très peur. Et c'est assez drôle de voir les joueurs préférés se tabasser entre eux que taper des boss. Mais je pense que c'est parce qu'ils connaissent pas les effets ni les récompenses. Je pense que ça joue beaucoup là-dedans. Mais voilà, plutôt positif. Je suis content. J'ai quand même bien retenu le truc. Ça a l'air très simpliste d'avoir les effets. Je suis assez d'accord. Je veux que ce soit simpliste, mais quand même que ce soit intéressant de pouvoir comboter un petit peu sans que ça prenne 1000 ans, quoi. Donc là, je vais devoir faire très attention en écrivant les cartes, grosso modo. Et ben, on arrive à la fin de tour. Et oui, déjà à la fin de tour. Et je voulais que tout le monde ait une chance d'avoir les personnages qu'ils veulent. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai limité le nombre de personnages dans la réserve. C'est également pour ça que je fais mélanger la défausse dans la pioche commune. Ça permet de redonner la chance à tout le monde. Voilà, c'est, je voulais que, bah, tout simplement, comme je disais avec les personnages TR où il y en a un seul par joueur, je voulais pas qu'on gatekeep, qu'on garde tout le temps en réserve les bons personnages pour que les gens les aient pas. Faut vraiment, en gros, t'as des personnages que tu veux vraiment, quoi. Pas des personnages que les gens veulent et que tu gardes exprès. Évidemment, on pourra le faire outre mesure. Voilà, mais bon, tant qu'à faire, si on peut l'éviter au maximum, je trouve que c'est plus fair. Pour le passage au premier joueur, j'ai hésité à juste faire passer le joueur suivant dans le sens horaire, parce que ça me semblait un peu logique. Sauf que je trouvais que jouer la vitesse, certes, on commence au combat, mais je trouvais que c'était peut-être pas assez. Et je pense que du coup, c'est mieux. Du coup, la personne qui commence à chaque tour, le premier joueur, la première joueuse, sera celui qui aura plus de vitesse d'équipe. Voilà. Je pense que c'est peut-être mieux pour donner davantage à ça, quoi. Vu que ça n'importe pas après derrière dans les combats plus que ça. Voilà, à voir en jouant, encore une fois. Du coup, voilà à quoi ressemblent les règles de fin de tour. Quand tous les joueurs ont terminé leurs actions, effectuez les étapes suivantes dans l'ordre. Petit 1. Mélangez la défausse avec la pioche. Prenez toutes les cartes de la défausse et mélangez-les dans la pioche commune. S'il s'agit de cartes premium de doré, mélangez-les dans la pioche premium de sa faction. Petit 2. Défausser la carte boss active. Petit 3. Défausser la carte événement active. Petit 4. Désigner le premier joueur. Le joueur avec le plus grand total de vitesse dans son équipe devient le premier joueur. En cas d'égalité, lancez le dé pour vous départager. Étape 5. S'il reste des cartes événement, passez au tour suivant. Sinon, passez à la fin de la partie. Les retours. Avez-vous compris la section fin de tour ? Parfaitement à 100%. Est-ce que cette section vous semble compliquée ? Pas du tout, à 100%. Bon bah là, c'est dithyrambique. Hein. Là, je vois que ça va, c'est vrai, c'est OK. Donc tant mieux. Donc voilà, c'est vraiment, je voulais, là en gros, la fin de tour, je voulais montrer que voilà, les cartes, il y en a toujours normalement. Normalement, on a toujours des cartes à dispo et on peut recruter jusqu'à la fin de la partie. C'est vraiment ça que je voulais. Et en parlant de fin de partie, on va y passer. Comment vraiment on compte les points ? C'est ça surtout. J'en ai parlé dans l'épisode 2 un petit peu. Je voulais plusieurs façons de gagner pour représenter tous les aspects du gacha et les façons de jouer de tout le monde. Donc évidemment, ce sera amené à être équilibré dans les points. Mais comme je disais, je voulais qu'on puisse gagner en tapant le jeu, en tapant les joueurs ou en collectionnant des cartes. Et pas que ce soit que celui qui sait le mieux jouer au jeu. Voilà, je veux que tout le monde ait sa chance. Que même si on joue avec des néophytes, ils puissent quand même s'amuser et avoir une chance de gagner. Donc voilà, moi c'est, j'espère que ça marchera, parce que c'est vraiment mon cœur à qu'on s'amuse là-dessus, quoi. Donc voilà un petit peu comment on va compter les points. Petit 1. Comptez vos points de victoire de collection en prenant en compte les cartes de votre équipe et de votre réserve, en suivant le tableau ci-dessous. Pour rappel, l'équipe c'est 6 personnages, la réserve 20. Donc normalement, en fin de partie, vous êtes censé avoir 26 personnages. Je pense que c'est à part, il y a une faction qui potentiellement ne paraîtra pas, mais voilà, c'est un petit teasing, attention. Mais normalement, tout le monde en fin de partie devrait avoir 26 personnages. Ça veut dire qu'au minimum, vous aurez, j'allais faire un calcul un peu foireux, mais vous allez avoir 12 points de victoire. Donc en gros, une carte TR, donc la plus grande rareté, on rappelle qu'il n'y a qu'une TR par faction. Donc si vous jouez à 6, il y a 7 cartes TR. Mais surtout, vous ne pouvez en avoir qu'une seule chez vous. Donc ça, si vous l'avez, c'est 5 points de victoire. Voilà. Une carte UR, donc deuxième rareté la plus haute, c'est 2 points de victoire. Deux cartes SR. Donc c'est par paire de cartes SR, ce sera 1 point de victoire. Et pour toutes les 3 cartes R, ce sera 1 point de victoire également. Je pense que ça, c'est la chose qui est le plus amenée à scale. Parce que malgré tout, le PVP, c'est 4 points de victoire quand on gagne. Donc, c'est-à-dire que si on fait ça à chaque tour, on gagne 40 points de victoire. En fait, il faut choisir un calcul. Je me rends compte en parlant là que j'ai pas fait le calcul pour vérifier si le calcul était bon, de si on pouvait gagner uniquement comme ça. Mais d'un côté, vu qu'on est obligé de taper à chaque tour, je me dis qu'on peut gratter des points. Voilà, à tester, voir qu'on puisse vraiment gagner uniquement via la collection, que ce soit pas juste un bonus. Ensuite, additionnez vos points de victoire d'affrontement entre joueurs et... additionnez vos points de victoire de boss, d'affrontement entre joueurs et de collection. Donc vous gagnez des points de victoire en gagnant contre des boss. Vous gagnez des points de victoire en gagnant contre les adversaires en joueur contre joueur. Et vos points de collection. Évidemment, le joueur avec le plus de points remporte la partie. Et en cas d'égalité, là, je me suis posé la question. Le dé, c'est pas faire. La vitesse, ça fait beaucoup. Et en fait, je me suis dit, bah, on est dans un gacha. Et du coup, c'est le joueur qui aura le plus de points de victoire de collection qui remporte les égalités. Et si vraiment il y a encore égalité, vous partagez la victoire, évidemment. Les retours. Avez-vous compris la section fin de partie ? Oui à 20%, parfaitement à 80%. Est-ce que cette section vous semble compliquée ? Pas du tout à 100%. Au niveau des commentaires, je pense qu'il faut repréciser dans cette section que la fin de partie intervient lorsqu'il n'y a pas de, qu'il n'y a plus de carte événement. C'est précisé dans la section au-dessus, mais pas dans celle-ci. Et c'est dans la fin de partie que les joueurs risquent de se reporter pendant le jeu. Très bon commentaire, effectivement. Je trouve qu'il faudra que je le reprécise. Mais sinon, c'est à l'air plutôt bien compris. Je pense que voilà, la fin de partie n'est pas compliquée. Parce que c'est toujours un peu frustrant quand on arrive en fin de partie, qu'on prend 10 ans à compter les points en mode « Alors attends, qu'est-ce que j'ai en points en fait ?» Parce qu'on est déjà tous fatigués de la partie. Là, je me dis... Et l'avantage, c'est qu'on peut vite voir en direct où on en est dans les points normalement. Parce que déjà, les points de boss et d'affrontement contre joueurs, ils sont visibles. Et du coup, le calcul des collections, il est quand même plutôt, j'espère, simple. Et ça devrait plutôt être bien fait, quoi. Donc voilà, c'est cool. J'ai hâte de voir en jeu tout ça. Ça a l'air de donner envie aux gens, donc c'est cool. Ensuite, faisons un peu un point sur les retours, sur la règle globale. Parce que j'aurais demandé quand même au global ce qu'ils pensaient. Donc, les bêta lecteurs, voilà ce qu'ils m'ont dit. Avez-vous compris les règles ? Neutre à 40%, oui à 40%, parfaitement à 20%. L'ordre des informations était-elle bonne ? Non à 20%, oui à 60%, parfaitement à 20%. Les règles sont-elles trop longues ? Non à 20%, neutre à 20%, excusez-moi, et non à 80%. Combien de temps avez-vous mis pour lire et comprendre les règles ? Moins de 10 minutes à 20%, entre 10 et 30 minutes à 80%. Après lecture des règles, j'ai envie de jouer au jeu. Neutre à 40%, oui à 40%, parfaitement à 20%. Est-ce que vous pensez que le jeu répond au easy to learn, hard to master ? Pas du tout à 20%, neutre à 20%, oui à 40%, parfaitement à 20%. Donc voilà, un peu de tout, du moins bon, du bon. Donc faisons un peu un point sur tout ça, sur où on en est, sur les retours, sur les règles. Je pense déjà que je peux verrouiller les règles du jeu en l'état. Évidemment, elles vont potentiellement venir à bouger avec les tests. C'est le but, hein. Faut pas être non plus trop serré dessus, quoi. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui ont lu les règles et qui m'ont fait des retours. Ça m'aide énormément. Mais voilà, abordons un autre point. C'est pourquoi j'ai mis autant de temps à sortir ces épisodes sur les règles. Une chose est simple, c'est que j'ai douté, en fait. J'ai beaucoup douté, j'en ai parlé. Dans le premier épisode de ces règles, j'ai beaucoup douté. Et en fait, je me suis beaucoup focus sur les retours négatifs. Parce qu'en fait, pour moi, l'épisode 2 et les retours des gens, ainsi que les retours sur les règles, en temporalité, c'était très proche. Il y avait à peine une semaine et demie d'écart de semaine. En gros, c'est. J'avais déjà monté l'épisode, à part la fin. Enfin, si, même la fin, j'ai remonté. Enfin, bref, dans la temporalité, c'est la réécoute des avis, les avis que j'ai eus. Plus écriture des règles, plus envoi des règles, retour, c'est une fourchette de 2 semaines à peine. Et ça faisait vraiment beaucoup. Vraiment, j'ai tout pris dans pleine poire, quoi. Ça faisait beaucoup. Et c'est vraiment très difficile de confronter ces idées, surtout quand on les propose en cours de création. Je sais que dans mon travail, maintenant, les confronter, je m'en fiche parce que je crée pour des clients. Donc, je mets beaucoup de moi dedans, mais... C'est le client qui a raison à la fin, il paye et c'est ce qu'il veut. Et ça y est, moi je l'ai pris, mais je sais qu'au début, quand je travaillais en graphisme, j'avais du mal à le faire. Bah, quand c'est notre petit bébé comme ça, le jeu, bah, on le prend en pleine poire, quoi. Et du coup, j'ai pris une boucle de doute infernale. Une grosse boucle. Et si le jeu ne serait jamais bien ? Et si personne ne l'aimait ? Si je perdais mon temps, vraiment, j'arrivais plus à avancer. Je voulais plus me poser, je voulais même plus relire mes règles. C'était pas facile, vraiment. C'est l'écriture des règles, vraiment, ça m'a vraiment un peu cassé aussi. Ouais, tout ça, c'était dur. Et c'est là où je vois que, ouais, c'est pas facile hein, de faire un jeu, en fait. C'est à l'air facile comme ça, mais waouh, c'est difficile. Et encore, là, je confronte que à des gens un peu où je sais que pas ils me ménagent, hein, parce que j'ai des retours des fois qui sont crus, et tant mieux, merci beaucoup, vraiment, moi ça m'aide. Mais quand ça va être des professionnels, normalement je leur montrerai un jeu abouti en plus. Donc ça se trouve, je vais me dire le jeu est trop bien, et ils vont me dire bah, c'est ton jeu, il est nul, frérot. Peut-être arrêter là, hein, peut-être que ça va jamais, les gens vont jamais aimer, quoi. Ouais, donc j'ai pas hâte, en fait. J'ai un peu peur de ça. Mais du coup, voilà, je me suis mis un bon coup de pied au cul. Je me suis mis à écrire le conducteur pour les trois derniers épisodes. Donc celui dont on est trois sur les règles, là. Et du coup, bah, j'ai relu les avis, forcément. J'ai relu les règles. Et en fait, bah, les retours sont quand même plutôt positifs, non ? Enfin, je sais pas, peut-être que je me fourvoie. Mais non, ils sont positifs, hein, les retours. Du coup, pourquoi je me suis pris la tête autant ? C'est un truc de fou. C'est pourquoi je focus sur... C'est sûr même pas du négatif, parce que je donne un avis. Donc c'est pas négatif. C'est juste au contraire, ils m'ont donné un avis en mode bah attention, si tu fais ça, ça va être nul justement. Les gens, ils me disent ça pour m'aider, genre. C'est pas comme s'ils m'avaient dit ton jeu, c'est un enfer, je peux jamais jouer à ça, c'est de la merde, t'es nul. Bah non. Et bah en fait, c'est là, en enregistrant, en écrivant tout ça, que bah je retrouve pleinement la motivation. Et c'est vraiment grâce à vous tous et toutes, avec vos messages, vos retours. Que ce soit quand je discute avec vous, quand on par action à Insta, à Twitter, à TikTok, tout ça, au podcast, bah en fait, je suis content d'avoir lancé le podcast pour aller à côté, parce que je pense que c'est encore un truc que j'aurais arrêté sinon. Donc vraiment merci pour tout, vraiment merci énormément de m'accompagner jusque là aujourd'hui. Là je vous ai livré beaucoup de choses avec les règles. Si déjà c'était audible, n'hésitez pas à me donner vos retours et ça vous donne envie. Si vous avez la moindre idée de gameplay, d'amélioration et tout, je suis preneur. De toute façon, je m'engage à créditer déjà tous ceux qui écoutent et qui m'ont aidé dans le processus. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est normal. Voilà, vraiment, merci infiniment pour tout. La prochaine étape, là, actuellement, c'est d'écrire les cartes personnages. Donc il y en a quelques-unes, quand même. Voilà, ça va être un gros taf. J'ai hâte, j'ai les idées, j'ai hâte de les écrire. Ceux-là, je les confronterai pas, parce que je préfère les tester avant, je pense. Donc voilà, prochain épisode, ça sera consacré à l'écriture des cartes. Donc voilà, à voir où ça va. Donc j'espère vite le sortir. On se retrouve vraiment très bientôt. Encore merci à tous et des gros bisous. Ciao. Il s'est lancé dans un pari risqué, celle de créer son jeu de société. Pour accomplir cette difficile mission, il a créé une émission, c'est Ludovision.